Les symptômes ressemblent à ceux d'une dépression classique. On est triste, irritable, fatigué, on a envie de rien, on a du mal à se réveiller le matin. C'est ce qu'on appelle le blues de l'hiver. Un blues qui touche presque une personne sur cinq dès l'automne et jusqu'au printemps. Et qui pour certains peut s'avérer plus grave. Mais contrairement à d'autres dépressions, on sait avec certitude ce qui déclenche ce mal. C'est le manque de lumière. Et ce n'est pas une fatalité. On peut se soigner en comblant ce manque grâce à la luminothérapie. Le principe, exposer son organisme entre 20 minutes et 1 heure à une lampe spécialement étudiée pour offrir un maximum de lumière, une lumière qui reproduit celle du soleil. Nadine souffrait depuis plusieurs années de cette déprime saisonnière. Elle a investi dans une lampe spécialisée. Je fais ça tous les matins de 7h30 jusqu'à 8h. J'ai commencé mes séances il y a 15 jours et je trouve qu'au bout de 15 jours, on ressent véritablement un gain d'énergie, un gain de bonne humeur, d'équilibre. Je trouve que c'est très efficace.